sang sous le crayon de Nicolas. C'était, je crois bien, le 16 mai 1946. Moi, je suis un ours qui ressemble à Mickey Mouse. Moi, je suis un renard avec une salopette débile. Placide des buissons, placide des buissons, une BD franco-belge. Placide des buissons, placide des buissons, qui a parcouru l'univers. C'est pourquoi Hercule le chat il a un pansement sur la figure. Elle est tombée placide, on l'a déjà fait cette blague. Des buissons, pourquoi 10 centimètres des petits comme toi? Réfléchis placide, moi je ne suis pas si rikiki. Des buissons, pourquoi Pipfit des gadgets qui marchent pas? C'est question budget placide, la preuve c'est que c'est fini. Placide des buissons, placide des buissons, on est les rois de la BD. Placide des buissons, placide des buissons, mais on n'est pas des PD. Des buissons, tu crois que les gens ils se souviennent de nous? C'est très con, c'est pour ça qu'on chante ce truc, non? Des buissons, dis-moi pourquoi Bifou il fait glam glam. C'est normal, Placide, c'est parce qu'il essaie de faire de la pluie. Des buissons, je crois bien que l'homme dessinateur est mort. Je l'espère, Placide, vu qu'on l'a enterré ce midi. Placide des buissons, Placide des buissons, nous sommes vraiment oubliés. Placide des buissons, Placide des buissons, on passe à la télé.